pas. Tu t'excuses de ne pouvoir rester et trouve toujours le moyen de filer. Arrête un peu par pitié, assez ne me fait plus marcher. Tu t'amuses avec moi et quand tu me souris, chacun s'en aperçoit. Tu joues la comédie. Je ne sais pas ce qui prend d'un seul coup. Nous deux, il me semble que ça colle plus. Alors dis-moi, je t'en prie, si ça va durer toute la vie. Je me tente de garder, de connaître avec toi le vrai bonheur. Mais tu n'as pas l'air de m'aimer. Baby, tu brises mon cœur. Cette fois-ci, j'ai compris. Tu préfères mon ami. Alors j'ai reciné, je t'aime l'embrasser. Si tu crois que je vais supporter, que tu t'amuses à flotter sous mon nez. Écoute, baby, c'en est trop. Et c'est bien là mon dernier mot. Pour la vie.